الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اتقوا الله تعالى وعظموا ما عظمه الله سبحانه وتعالى من الأمكنة والأزمنة واعلموا رحمني الله وإياكم أن عدة الشهور عند الله 12 شهرا قال الله تعالى في كتاب الكريم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم الآية فأشهر الله الحرم أربعة وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب وها قد دخلنا في شهر محرم في أول شهر السنة واعلموا أن هذا الشهر هو الشهر الذي نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وجنده لقد بعث الله موسى بآياته وسلطان مبين إلى فرعون فدعاه إلى الإسلام وإلى توحيد الله سبحانه وتعالى وترك ظلم العباد لكن فرعون جحد واستكبر وقال أنا ربكم الأعلى وقال وما رب العالمين فبين له موسى بأحسن الحجج وأعظم البراهين أن الله هو الخالق وهو رب العالمين وهو رب كل شيء وأنه المتفرد بالربوبية إذن هو المستحق للعبادة فمن كان كذلك يجب أن يعبد وحده لا شريك له فاستهزأ به فرعون وسخر منه كما يفعل أهل الضلال مع دعاة الحق اليوم فلما رأى فرعون أن الاستهزاء لا يغني من الحق شيئا لجأ إلى التهديد والوعيد وقال لموسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين فطلب فرعون من موسى عليه السلام آية بينة تدل على صدق دعواه فأعطاه الله ذلك لكن فرعون لم يؤمن لسوء قصده وما ربك بظلام للعبيد فلم يوفق فرعون إلى الإيمان بالله العظيم وإلى تصديق نبيه موسى عليه السلام بل غضب فرعون وتحدى موسى وجمع سحرة البلاد فاجتمع الناس السحرة في الصف وموسى عليه السلام في صف آخر وقال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون أو إن نحن الغالبون فسحروا أعين الناس يخيل إن إلى الناس أن هذه الحبال حيات عظيمة تسعى فأوحى الله إلى موسى أن ألقي عصاك ففعل موسى فإذا هي تلقف جميع ما صنعوا من الإفك حينئذ علم السحرة أن موسى عليه السلام نبي من أنبياء الله ورسول من رسل الله لأن هذا ليس بالسحر فإنه مرسل من عند الله فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فانظروا إلى توفيق الله لأوليائه وإلى نصرته لأنبيائه على رؤوس العباد جهارا وفي ذلك لطف من الله بهؤلاء وفقهم إلى معرفة الحق واتباعه في الصباح كانوا كافرين وفي النهار أصبحوا مؤمنين وهذا يذكرنا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها فسبحان مقلب القلوب ومع هذه المعجزة العظيمة ما ازداد فرعون إلا عنادا وتغيانا والعياذ بالله وهددهم بالقتل فاستسلم السحرة لقدر الله ورضوا به ربا وبالإسلام دينا وبموسى نبيا رسولا فقتلهم فرعون هنا أمر الله نبيه موسى عليه السلام بأن يسري مع بني إسرائيل خارجا عن مصر قال الله ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم فوصل موسى البحر هنا قال قومه إنا لمدركون إنا لمدركون أي البحر أمامنا وفرعون وراءنا كيف النجاة مع ذلك فقال موسى قول المتوكلين على الله رب العالمين قال كلا إن معي ربي سيهدين وفعلا أمره الله أن يضرب بعصاه البحر فانفلق 12 طريقا الماء بينهم كالجبال فمر موسى وقومه والأرض يابس وحاول فرعون أن يلتحق بهم فلما خرج موسى وقومه دخل فرعون وجنوده البحر فلما خرج موسى وقومه أمر الله البحر أن يرجع إلى ما كان فانطبق عليهم فغرقوا جميعا فقطع دابر القوم الذين كفروا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين أيها الناس إن نجاة موسى عليه السلام والمؤمنين نعمة من الله سبحانه وتعالى وإهلاك الله لأعدائه وأعداء المؤمنين نعمة من الله سبحانه وتعالى عظيمة فيجب علينا أن نقوم بشكرها كما فعل موسى عليه السلام صام هذا اليوم وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجد اليهود يصومون يوما فلما سألهم عن ذلك قالوا هذا اليوم يوم خير يوم نجى الله فيه موسى وأهلك فيه فرعون فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق منكم بموسى فصام هذا اليوم وأمر المؤمنين بصيامه فهذا يوم عاشورا اليوم العاشر من شهر محرم فسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم صيام هذا اليوم وأخبر بفضله فقال يكفر السنة الماضية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز المؤمنين وأن يذل أعداء المسلمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Chers frères, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et accordez la plus grande importance à ce qui a été émancipé dans l'islam, que ce soit dans le Coran ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala a préféré certains endroits à d'autres, tout comme il a préféré certains moments à d'autres. Sachez également que le nombre des mois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est de 12. Il nous dit dans son livre, le nombre de mois auprès d'Allah est de 12. Dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre, 4 d'entre eux sont sacrés. Donc il y a 12 mois dans l'année lunaire. Il y a 12 mois dans l'année lunaire et il y en a 4 qui sont sacrés. Le mois de Dhul-Qi'dah, le mois de Dhul-Hijjah, le mois de Muharram, ces 3 mois se succèdent. Puis il y a le mois de Rajab et nous sommes entrés dans le mois de Muharram, le premier mois de l'année lunaire qui est donc un mois sacré. Sachez également que durant ce mois, il y a de cela des siècles, Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Moussa alayhi salam de Pharaon et de son armée. Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé Moussa en tant que prophète et messager à son peuple avec des signes manifestes et des miracles. Il a donc appelé Pharaon à se soumettre à Allah le Seigneur des mondes et à l'adorer d'un culte sincère, puis à délaisser l'injustice qu'il faisait subir à son peuple. Il assassinait les nouveau-nés lorsque c'était des garçons, et il prenait les filles en esclaves, wal'iyadu billah. Et lorsque Moussa alayhi salam lui est venu avec des preuves évidentes, Pharaon s'est détourné de l'ensemble de ses preuves. Pharaon s'est enorgueilli devant les preuves qu'Allah Azza wa Jalla avait accordées à Moussa. Il s'est mis à démentir Moussa et l'insulter. Alors Moussa lui a dit, reviens à l'adoration d'Allah d'un culte sincère. Délaisse l'injustice, car ton Seigneur est le Seigneur des mondes, le Seigneur du levant et du couchant. Mais Pharaon lui a répondu, qu'est-ce que donc le Seigneur des mondes? Il lui a également répondu, je ne connais pas d'autre divinité pour vous si ce n'est moi-même. Je suis le seul qui doit être adoré. Il a également répondu, je suis le Seigneur, le plus haut. C'est ainsi que Pharaon a répondu à l'appel de Moussa alayhi salam. Puis il s'est moqué de lui et a dit, le prophète qui vous a été envoyé est certainement fou. Et c'est ainsi que procèdent les égarés lorsqu'ils veulent détourner la masse des gens de la vérité et de ceux qui appellent à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils leur cherchent des défauts, et s'ils n'en trouvent pas, ils mentent. Lorsque Pharaon a vu que ses mensonges et ses moqueries ne portaient pas ses fruits, il est passé à la force des faibles. Il n'a pas réussi dans la discussion, alors il est passé à la menace. Comme le font les tyrans. Il a donc dit à Moussa, si tu prends une autre divinité que moi, si tu adores un autre que moi, tu feras partie des prisonniers. Nous t'enfermerons en prison. Puis, il lui a dit, si tu es véridique, viens avec un signe manifeste de la part de ton Seigneur que tu prétends adorer en dehors de moi. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a donné comme miracle à Moussa le bâton. Mais Pharaon n'a pas accepté cela, car lorsqu'il a demandé les signes, il n'était pas sincère. Il ne recherchait pas la vérité. Et sache que ton Seigneur n'opprime personne, subhanahu wa ta'ala. Alors Pharaon s'est mis en colère et a accusé Moussa de sorcellerie. Puis il a convoqué l'ensemble des sorciers du pays. Ils sont venus à lui et lui ont demandé « Qu'est-ce qu'on aura à gagner si nous sommes les vainqueurs contre Moussa ?» Alors Pharaon leur a promis de nombreuses richesses. Puis ils ont pris rendez-vous. Un jour où l'ensemble du peuple s'est réuni, Dans un jour où tout le monde était présent. Alors Moussa alayhi salam dans un rang et les sorciers dans un autre rang. Moussa alayhi salam leur a dit lancez ce que vous avez à lancer. Alors ils ont lancé leurs bâtons et ont ensorcelé les gens d'un sihr qu'on appelle tahyili, c'est-à-dire de l'illusionnisme. Ils ont ensorcelé le regard des gens. Ces gens pensaient voir à la place des bâtons des serpents qui rampaient. Alors Moussa, lorsqu'il a vu cela, il a eu une légère crainte. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a raffermé avec la prophétie et des signes manifestes. Il lui a ordonné à lui à son tour de jeter son bâton. Lorsque Moussa alayhi salam a jeté son bâton, ce bâton a commencé à avaler tout ce qu'ils ont jeté. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a fait disparaître le faux et a élevé la vérité avec laquelle est venu Moussa alayhi salam. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. Et sachez que les sorciers ne réussiront jamais où qu'ils soient. La sorcellerie de la mécréance, celui qui fait de la sorcellerie sort de l'islam, celui qui va voir des sorciers et croit à leurs informations, aux informations concernant les choses de l'invisible, également sort de l'islam. Car seul Allah tabaraka wa ta'ala connaît ce qui se passera demain. La sorcellerie est une des pires mécréances par laquelle on désobéit Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque les sorciers ont vu ce miracle sortir des mains de Moussa alayhi salam, ils ont reconnu la vérité. Car ils savaient, eux, que ça n'était pas de la sorcellerie. Car ils avaient la plus grande science dans ce domaine. Ils se sont donc soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. On cru en Moussa et l'ont suivi. La foi a tellement pénétré leur cœur qu'ils sont tombés prosternés devant Allah, le Seigneur des mondes. Et on dit, nous avons cru au Seigneur des mondes, au Seigneur de Moussa et de Haroun. Lorsque Pharaon a vu la soumission d'une partie de son peuple à l'islam, il s'est mis en colère et a accusé Moussa d'être leur maître et a accusé les sorciers d'avoir voulu le tromper. Alors il les a menacés et il les a appelés à revenir à la mécréance et à son adoration. Et leur a dit, soit vous revenez à mon adoration, soit je vous couperai les membres opposés, le bras droit et la jambe gauche, ou le contraire. Alors les sorciers, le cœur rempli de foi en Allah, ont répondu, nous avons cru au Seigneur des mondes. Fais ce que tu veux, tu ne peux nous faire du mal que dans ce bas monde. Et nous on espère qu'Allah nous pardonnera nos péchés pour avoir répondu à l'appel de Moussa avec précipitation. À ce moment-là, Pharaon les a assassinés. Il les a exécutés. Ils se sont soumis au destin d'Allah et ont su que ce bas monde ne valait rien et que la demeure éternelle était dans l'au-delà. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a sauvés de la mécréance. Et certes, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la personne ne cesse de faire les actions des habitants de l'enfer, c'est-à-dire le mal, les péchés, jusqu'à ce qu'il ne reste entre elle et le paradis qu'un empan. C'est alors que son destin le rattrape. Elle met en pratique les actions des habitants du paradis et finit par y entrer. Donc Allah a sauvé ces sorciers qui se sont repentis. Par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala ordonna à Moussa de partir d'Égypte, de quitter l'Égypte avec son peuple, et cela de nuit. Chose que Moussa a faite. Par la suite, Pharaon s'est lancé à leur poursuite avec son armée. Lorsque Moussa alayhi salam est arrivé devant la mer, le peuple de Moussa a eu énormément peur et a dit à Moussa, certes nous sommes cernés. Pourquoi? Car il y avait la mer devant eux et Pharaon derrière eux. Mais Moussa a répondu avec la parole de celui qui a pleinement confiance en Allah et qui a su qu'Allah azza wa jal allait lui donner une issue. Alors Moussa a répondu, non. Avec moi, il y a mon Seigneur, et il me guidera. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Moussa de taper avec son bâton la mer. Lorsque Moussa a tapé avec son bâton la mer s'est levée et a frayé 12 passages. Et cette mer est devenue à l'image d'énormes montagnes. Et le sol est devenu sec, comme s'il n'y avait jamais eu d'eau. C'est alors que Moussa et son peuple ont pu traverser la mer. Pharaon a tenté de pénétrer dans cette mer et a tenté de rattraper Moussa et son peuple. Mais lorsque Moussa et son peuple sont sortis et ont dépassé cette mer, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à la mer de se refermer et ainsi fut noyé Pharaon et son peuple. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé les partisans du tawhid et a anéanti le tyran Pharaon et son armée qui ont voulu comploter contre le messager Moussa alayhi salam et son peuple pour avoir voulu adorer Allah d'un culte sincère. Et c'est ainsi qu'Allah sauve la vérité et il humilie le faux et les gens du faux. lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a trouvé que les juifs jeûnaient un jour. C'était le 10e jour du mois de Muharram. Alors il leur a demandé, pourquoi est-ce que vous jeûnez ce jour? Ils ont répondu, c'est un jour de bien. C'est le jour où Allah a sauvé Moussa et son peuple. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous sommes plus en droit de nous réclamer de Moussa. Nous sommes plus en droit de nous réclamer de Moussa, car eux ont changé la religion de Moussa et n'ont pas, et ne sont pas restés sur sa voie. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné ce jour en signe de reconnaissance pour le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a accordé à Moussa lorsqu'il l'a sauvé. Car le croyant se réjouit du bien qui touche ses frères, où qu'il soit et quelle que soit l'époque. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux musulmans de jeûner ce jour, qui est le 10e jour du mois de Muharram, donc dans une semaine. Donc dans une semaine, il nous a informé du bienfait de ce jeûne en nous disant que celui qui jeûne ce jour, Allah lui pardonne l'année passée. Celui qui jeûne le 10e jour du mois de Muharram, donc dans une semaine, Allah subhanahu wa ta'ala lui efface une année de péché, walhamdulillah. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus tard a dit, si je suis encore vivant l'année prochaine, je jeûnerai avec le 10e jour, le 9e jour. Afin de se distinguer des gens du livre. Afin de se distinguer des gens du livre. Donc celui qui a la capacité qu'il jeûne le jour de Ashura, qui est le 10e jour du mois de Muharram, donc dans une semaine, vérifiez la date exacte. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de l'adorer et d'augmenter nos adorations. Dans les mois sacrés, Allah nous dit dans le Coran de ne pas nous faire d'injustice. De ne pas être injuste contre nous-mêmes, c'est-à-dire de ne pas délaisser les obligations et de ne pas commettre d'interdits. Cela est valable toute l'année, mais plus particulièrement durant les mois sacrés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le mois de Muharram, ce mois-ci, est un mois sacré. Nous mettons en garde contre une innovation qui se répand, c'est le fait de souhaiter la bonne année. Certes, nous sommes au début de l'année 1435, mais ne fait pas partie de la sunna le fait de se souhaiter la bonne année, comme le font les non-musulmans à le 1er janvier. Donc, ça ne fait pas partie de la sunna de souhaiter la bonne année. Barakallahu fikum. Wa as'alullah subhanahu wa ta'ala yaghfira lana dhunubana wa yukaffira anna sayyiatina wa yatawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. اللهم اغفر لموتى المسلمين اللهم اغفر لموتى المسلمين اللهم اغفر لموتى المسلمين اللهم اغفر لأم عبد الكريم اللهم اغفر لأم عبد الكريم اللهم اغفر لأم عبد الكريم وارفع درجاتها في الجنة مع الأنبياء والمرسلين وارفع درجاتها في الفردوس الأهل في الفردوس الأعلى اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف امهاتنا اللهم اشف امهاتنا اللهم اشف امهاتنا وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وقوموا الى صلاتكم